إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, on reprend ce soir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'étude du livre Manhaj al-Salikin de l'éminent Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di rahimahullah ta'ala. Nous avons terminé dans des cours précédents les chapitres liés aux règles sur la purification et la prière. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer, incha'Allah ta'ala, le chapitre lié aux règles de la zakat. Nous allons donc commencer par voir la définition de la zakat, les preuves de son obligation, ainsi que certains de ses bénéfices. Le mot zakat, que l'on traduit souvent par l'aumône, ou l'aumône légale, il signifie dans la langue arabe « annama wa ziyada », c'est-à-dire la croissance et l'augmentation. Et il a aussi le sens de « at-tahara », la purification, car la zakat est un moyen de purifier ses biens. Et dans la législation, elle désigne un devoir obligatoire sur des biens déterminés, qui atteignent un seuil déterminé, desquels doivent être extraits une part déterminée, selon des conditions déterminées, au profit de catégories de gens déterminées. Donc ceci est une définition générale, et on va voir les détails concernant cette définition à travers les paroles de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Donc la zakat, c'est une des prescriptions les plus importantes de l'islam. Et c'est un de ses cinq piliers. C'est même le pilier de l'islam le plus important, après les deux attestations de foi, qui est le premier pilier, et la prière, qui est le deuxième pilier. D'ailleurs, lorsque vous lisez le Coran, vous trouverez souvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre d'acquitter la zakat immédiatement après l'ordre d'accomplir la prière. Comme il dit subhanahu wa ta'ala au verset 43 de Surat al-Baqarah, « Wa aqimu s-salah wa atu s-zakah » et accomplissez la prière et acquittez la zakat. Et il dit subhanahu wa ta'ala au verset 5 de Surat al-Bayyinah, « Wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu d-dina hunafa » et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Ceci concerne donc le premier pilier de l'islam, l'attestation de foi. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, « Wa yuqimu s-salah wa yu'tu s-zakah » d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. « Dhalika dinul qayyimah » et voilà la religion de droiture. On voit donc que la zakat est la plupart du temps mentionnée immédiatement après la prière. Et c'est pour cela que les savants, dans les livres de jurisprudence, ont mentionné le chapitre de la zakat immédiatement après le chapitre de la prière. Et les preuves de l'obligation de la zakat sont très nombreuses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exemple des versets que vous venez d'entendre. Mais également, on trouve de nombreuses preuves de son obligation dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À commencer par le fameux hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, dans lequel il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « L'islam est fondé sur cinq, c'est-à-dire sur cinq piliers. » Puis il dit « L'attestation que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage de la maison sacrée. » On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ici aussi mentionné la zakat après la prière. On retrouve aussi cela dans la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressa à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu lorsqu'il l'envoya en tant que prédicateur vers les gens du Yémen. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, tu te rends vers un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils vouent un culte exclusif à Allah. S'ils t'obéissent en cela, Informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour eux 5 prières de jour et de nuit. S'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah a prescrit une aumône qui est prise de leurs riches pour être distribuée à leurs pauvres. Et ce hadith est rapporté également par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah. Vous voyez donc dans celui-ci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de les informer de la prescription de la zakat immédiatement après la prescription de la prière. Et on trouve dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, un hadith effrayant et une menace sévère à l'encontre de ceux qui ne versent pas la zakat de leurs biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith: celui à qui Allah a accordé des biens et qui ne verse pas sa zakat au jour de la résurrection, ses biens prendront la forme d'un serpent mâle à la tête lisse. Il aura deux taches au-dessus des yeux. Il s'entourera alors autour de son cou, autour du cou de la personne qui n'a pas versé la zakat sur ses biens. Puis il le saisira des deux extrémités de sa gueule et dira: je suis tes biens. Je suis ton trésor. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset 180 de Sourate Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce. Médite sur cela, ce qu'Allah leur donne par sa grâce. Ces biens que tu possèdes, ce n'est qu'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'incombe donc de les dépenser d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, en commençant par t'acquitter de tes obligations sur ces biens. Et la plus grande des obligations est la zakat. Il dit donc, selon le sens, que ceux qui gardent avec avarice, qui refusent de donner la zakat, ce qu'Allah leur donne par sa grâce, ne comptent point cela comme bon pour eux. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est un bien pour eux de garder cet argent. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur rattachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'explication de ce verset. Leurs biens, ils prendront la forme d'un serpent qui va s'entourer autour de leur cou et les saisir des deux extrémités de sa gueule et dire: je suis tes biens, je suis ton trésor. C'est-à-dire, je suis tes biens sur lesquels tu n'as pas versé la zakat. Et on trouve dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, toujours d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si un propriétaire d'or ou d'argent ne verse pas leur dû, c'est-à-dire qu'il ne verse pas la zakat obligatoire. Méditez également ici sur cette menace sévère. On lui préparera alors au jour de la résurrection des plaques de feu qui seront portées à incandescence dans le feu de l'enfer, avec lesquelles on cautérisera son flanc, son front et son dos. À chaque fois qu'elles refroidiront, elles y seront remises, elles seront remises dans le feu. Dès que ces plaques, elles vont devenir froides, elles vont être remises dans le feu, reportées à incandescence, durant un jour équivalent à 50 000 années, jusqu'à ce qu'on juge entre les serviteurs. C'est-à-dire qu'en raison de son avarice et du fait qu'il n'a pas donné la zakat sur ses biens, il va subir ce châtiment au jour de la résurrection, ce jour équivalent à 50 000 années. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et ce hadith est l'explication des versets 34 et 35 de Sourate At-Tawbah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Le jour où ils seront portés à incandescence dans le feu de l'enfer, c'est-à-dire ces biens, ces trésors sur lesquels ils n'ont pas versé leur zakat. Fatukwa biha jibahuhum وجنوبهم وظهورهم. Leur front, leur flanc et leur dos seront cautérisés par cela. Puis il leur sera dit: هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez donc de ce que vous thésaurisiez. Ils gardaient cet argent en pensant que cela était un bien pour eux, mais au final, ce sera une cause de leur châtiment. Donc ces deux hadiths, ils nous suffisent pour nous démontrer la gravité du fait de garder ses biens par avarice et de refuser de verser la zakat obligatoire. Et si tel est le rang de la zakat en islam, il va de soi qu'il est d'une importance capitale pour le musulman d'apprendre les règles de la zakat, et ce afin de pouvoir s'en acquitter comme il se doit, d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu ne connais pas les règles de la zakat, il n'y a pas de doute que tu ne pourras pas t'en acquitter comme il se doit. Il se peut que la zakat soit obligatoire pour toi et que tu l'ignores, et que tu ne la verses pas pendant de nombreuses années, au risque d'encourir les châtiments que nous venons de voir à travers les hadiths et les versets, notamment en cas de négligence. Car beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent l'obligation de la zakat, savent que la zakat est le troisième pilier de l'islam, savent que cette aumône est obligatoire, mais ils ne s'instruisent pas à ce sujet. Ils ne cherchent pas à savoir s'ils sont concernés ou non par cette obligation. Ils ne cherchent pas à savoir les détails de cette obligation. Ils ne cherchent pas à savoir comment s'acquitter de cette aumône, quel est le montant de cette aumône, à qui doit être versée cette aumône. Et il n'y a pas de doute que ceci est une grave erreur qu'il incombe de corriger. Et la personne ne doit pas rester dans cette situation, mais elle se doit de faire des efforts pour apprendre ses règles, notamment si elle possède des biens sur lesquels la zakat est obligatoire. Et si tu verses cette aumône, que tu t'acquittes de la zakat obligatoire, alors tu te seras ainsi acquitté d'un des piliers de l'islam, ces piliers sur lesquels repose ton bonheur ici-bas et dans l'au-delà. La zakat est donc une adoration immense qui te permet de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire augmenter ta foi comme l'ensemble des œuvres de bien. Et lorsque tu verses la zakat, il ne faut pas penser que celle-ci fait diminuer tes biens. Certaines personnes qui ont du mal par avarice à sortir la zakat, car ils voient ainsi leur argent diminuer. Mais au contraire, cette zakat, c'est une cause pour que tes biens soient bénis et pour que tes biens augmentent. Médite à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 276 de Surat al-Baqarah. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Celui qui mange de l'intérêt usuraire, il prête de l'argent à quelqu'un, il lui prête 1000, et il lui met comme condition que cette personne lui rende 1100, par exemple, ou 1200. Il pense ainsi que son argent va augmenter. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il anéantit l'intérêt usuraire. Car cet argent, il sera privé de toute bénédiction. Tandis que celui qui possédait 1000, mais a donné en aumône 25, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait fructifier ses biens par cette aumône. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, au verset 39 de Surat al-Rum, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, cela ne les accroît pas auprès d'Allah. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Mais ce que vous donnez comme zakat, par laquelle vous recherchez le visage d'Allah, en étant sincère lorsque tu donnes cette zakat, ceux-là verront leur récompense multipliée. Et ils verront également leurs biens se multiplier, car ils seront bénis, en raison de cette aumône qu'ils ont donnée et qui a purifié leurs biens. La zakat, elle fait donc fructifier tes biens, et elle augmente leur bénédiction. Comme cela est venu explicitement dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: l'aumône ne fait pas diminuer les biens. En termes de chiffres, elle les fait diminuer. Si tu as 1000 et que tu donnes 100 en aumône, tu ne possèdes plus que 900. Mais en termes de bénédiction et en termes d'accroissement à l'avenir, tes biens en réalité, ils ont augmenté. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il va te remplacer ce que tu as donné et il va bénir les biens qui sont restés en ta possession. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'aumône ne diminue pas les biens. Et tu dois te rappeler de ça lorsque ton âme t'appelle à l'avarice, en raison de sa cupidité et de son amour de ce bas monde, et qu'elle te fait penser que si tu donnes une aumône, alors tu vas être plus pauvre, tes biens vont diminuer. Au contraire, tes biens ne feront qu'augmenter, bi'idhnillahi ta'ala. Et tu dois avoir la certitude de cela. Et cette zakat, parmi ses bénéfices, il y a également le fait que c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'efface tes péchés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Et ce qui est visé dans ce hadith par l'aumône, c'est aussi bien la zakat obligatoire que l'aumône surérogatoire. Donc cette zakat, c'est une cause pour effacer tes péchés, bi'idhnillahi ta'ala. Et moralement, cette zakat, elle va te permettre de purifier ton comportement et ton caractère de l'avarice et de la cupidité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 103 de Sourate At-Tawbah, s'adressant à son messager sallallahu alayhi wa sallam, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Prélève de leurs biens une aumône, une sadaqa, par laquelle tu les purifies et les bénis. C'est-à-dire que cette aumône, elle te purifie des péchés et des mauvais comportements, à l'exemple de l'avarice et de la cupidité. Et elle est une cause de bénédiction dans tes œuvres et dans tes biens. En donnant cette zakat, tes bonnes œuvres, elles vont augmenter et tes biens vont fructifier, bi'idhnillahi ta'ala. Tu auras de la bénédiction dans tes biens, ton argent sera béni. Alors que celui qui ne verse pas la zakat, il est privé de cette bénédiction. Il se peut qu'il possède 10 000, 100 000, 1 000 000, mais il se sentira pauvre. Il ne tirera pas profit de ses biens. Il se peut qu'il les dilapide très rapidement, sans tirer profit. Et inversement, il se peut qu'une personne ne possède que très peu, mais qu'elle s'acquitte de ses obligations, de l'obligation de la zakat, et qu'elle tire grand profit de son argent en raison de la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura placée dans celui-ci. Enfin, cette zakat, elle comporte aussi de nombreux bénéfices sociaux. En effet, comme on a vu dans le hadith, la zakat, elle est prise des riches pour être donnée aux pauvres. Donc, si l'ensemble des riches versaient leur zakat obligatoire, les besoins des pauvres seraient comblés. Et cela est un moyen de faire disparaître tout sentiment de rancœur et d'aversion qu'il peut y avoir dans les cœurs des pauvres et des nécessiteux, et de la rancune et de la haine qui peuvent être présentes entre les différentes classes de la société. En effet, méditez sur la situation des gens dans les sociétés qui sont basées sur l'injustice des lois inventées par les hommes. Tu verras que les pauvres ont beaucoup d'amertume dans ces sociétés envers les gens des classes aisées. Ils se sentent souvent privés, ils se sentent exploités, ils se sentent lésés, car ils voient les riches s'enrichir. Et eux ne font que s'appauvrir. Alors qu'en islam, avec l'application de la charia, le riche, plus il s'enrichit, plus il va donner de ses biens à qui? Aux pauvres. Car plus il va s'enrichir, plus sa zakat qu'il devra donner chaque année sera grande. Et ainsi, plus les pauvres vont tirer profit. Donc lorsque le riche va donner son aumône aux pauvres, les pauvres vont se réjouir, cela va combler leurs besoins. Et ainsi, ils vont être heureux pour ce riche qui a gagné de l'argent, car eux-mêmes en auront tiré profit. Et ils vont voir que plus cette personne sera riche, plus il leur donnera. Donc leur cœur sera purifié de cette rancœur et de cette aversion. Et ainsi, ces sentiments disparaîtront et laisseront place à l'amitié et la concorde au sein de la société. Ceci fait donc partie des bénéfices immenses de cette législation sage qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs. Après cette introduction, nous allons commencer à lire les paroles de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui a dit « Kitab al-Zakah, le livre de la zakat, c'est-à-dire le chapitre dans lequel sont réunies les règles liées à la zakat. Il commence par dire « Wahiya wajibatun » et elle est obligatoire, comme on l'a vu à travers les versets et les hadiths que l'on a cités dans l'introduction. Et les musulmans sont unanimes à ce sujet, concernant l'obligation de la zakat. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, ici, il va attirer notre attention sur les conditions à remplir pour que la zakat soit obligatoire. C'est-à-dire, pour qui est-elle obligatoire? Il nous dit, Wahiya wajibatun ala kulli muslim. Elle est obligatoire pour tout musulman. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire pour le mécréant. Et même si le mécréant donner la zakat, ceci ne serait pas accepté de lui. Ensuite, il dit, rahimahullah, hurrin, libre, le musulman qui est libre. Et ce car, elle n'est pas obligatoire pour l'esclave, car l'esclave ne possède rien. Mais ce qu'il a entre ses mains comme bien sont sous la possession de son maître. Ensuite, il dit, rahimahullah, malaka nisaban, qui possède un seuil. Le nisab, c'est le seuil à partir duquel la zakat devient obligatoire. Et on va voir que ce seuil est différent en fonction des biens, comme on va le voir en détail dans ce chapitre, inshallah ta'ala, à travers les paroles de l'auteur. Celui qui ne possède pas ce nisab, la zakat n'est pas obligatoire pour lui, mais il peut, s'il le veut, donner des aumônes surérogatoires. Quant à la zakat, elle ne devient obligatoire qu'une fois qu'il possède le nisab, le seuil minimum imposable. Ensuite, il dit, rahimahullah, wala zakata fi malin hatta yahoul alayhi al-hawl. Et nulle zakat sur aucun bien jusqu'à ce qu'il passe une année, c'est-à-dire une année en sa possession. Et ce qui est visé ici par l'année, c'est l'année hégirienne. Et ça, c'est très important. Car il y a certaines personnes qui font l'erreur de se baser pour leur zakat sur le calendrier grégorien. Il sort par exemple sa zakat le 15 janvier et il attend le 15 janvier de l'année suivante pour verser sa zakat. Et ceci est une erreur. Mais ce sur quoi tu dois te baser, c'est le calendrier égirien. Et il y a un décalage entre celui-ci et le calendrier grégorien. Il est donc impératif que tu prennes cela en considération et que tu notes la date égirienne à partir de laquelle tu as atteint le nisab. Ensuite, une fois qu'une année complète est passée, à supposer que tu as atteint le nisab le premier du mois de Ramadan, l'année suivante, au premier du mois de Ramadan, si tu es resté tout au long de l'année au-dessus du nisab, tu devras alors verser la zakat sur ce qui est en ta possession. Mais si au cours de l'année, tes biens sont redescendus en dessous du nisab, par exemple le premier du mois de Ramadan de l'an passé, tu avais gagné 10 000 euros. Ces 10 000 euros sont restés en ta possession toute l'année. Et, durant le mois de Sha'ban, tu as eu besoin de t'acheter une voiture d'une valeur de 10 000 euros. Le premier du mois de Ramadan arrive, cet argent n'est plus entre tes mains, tu ne le possèdes plus. Donc, tu n'as pas de zakat sur cet argent. Même si une personne gagne, par exemple, 5 000 euros par mois, mais que chaque mois elle dépense ces 5 000 euros, alors celle-ci n'a pas de zakat. Car pour que la zakat soit obligatoire, il est impératif que tu restes au-dessus du nisab durant une année complète. Une fois que tu redescends en dessous du nisab, il n'y a plus de zakat. Si tu remontes au-dessus après, tu renotes cette date, puis tu vois si tu restes au-dessus durant une année complète. Et la preuve à ce sujet est le hadith de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de zakat sur un bien jusqu'à ce qu'il passe une année, c'est-à-dire une année en possession de la personne. Et ce hadith est rapporté par Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres, rahimahumullah ta'ala. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit donc: nulle zakat sur aucun bien jusqu'à ce qu'il reste une année en la possession de la personne. Puis il nous informe qu'il y a des exceptions à cela. Il dit: illa al-kharij min al-ard, ce qui sort de la terre. Comme on va le voir dans un prochain cours, cela concerne par exemple le blé, l'orge, les dattes, et ainsi de suite. Et ce qui sort de la terre, sa zakat est versée au moment de la récolte. Et ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 141 de Sourate Al-An'am, dans lequel il a dit subhanahu wa ta'ala: wa atu haqqahu yawma hasadi, et acquittez-vous de son devoir le jour de sa récolte. Il n'est donc pas nécessaire de le posséder durant une année. Mais au moment de la récolte, à partir du moment où le nisab est atteint, la zakat doit être versée. On va voir les détails à ce sujet, inshallah ta'ala. La deuxième exception, il nous dit: wama kana tabi'an lil asl kana ma'in nisab wa ribh at-tijara fa inna hawlahuma hawlu aslihima. Il dit: et ce qui est attaché au capital de base, comme l'accroissement du nisab. Une personne possédait le nisab et celui-ci s'est accru. Par exemple, en ce qui concerne la zakat sur le bétail. Si une personne possède 120 moutons, elle a une zakat précise à donner. Et que parmi ces moutons, il y a 90 brebis qui mettent bas un mois avant le moment de sortir la zakat. Il va donc posséder à ce moment-là 210 moutons. Eh bien, il devra sortir la zakat en se basant sur 210 moutons. Et sa zakat sera différente, comme on va le voir dans le cours de demain, inshallah ta'ala, avec les différents seuils concernant la zakat sur le bétail. Pourtant, ces 90 moutons qui viennent de naître, ils n'ont pas été en sa possession une année, ils n'ont été en sa possession que durant un mois. Mais comme ils font partie de l'accroissement du nisab de base, alors il est obligatoire pour lui de verser la zakat sur ses moutons. Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit aussi, comme le bénéfice du commerce. À supposer qu'un commerçant investisse dans de la marchandise, par exemple pour 5 000 euros. Il fait du commerce tout au long de l'année, et les derniers mois, son commerce commence à fluctuer. Il rachète de la marchandise, puis en possède au moment de verser la zakat pour une valeur de 10 000 euros. Alors il devra payer la zakat sur cette valeur de 10 000 euros. Bien qu'il y ait 5 000 qu'il n'a possédé que moins d'une année. Mais étant donné que cela fait partie du bénéfice de son commerce de base, alors il n'est pas exigé qu'il les possède durant une année. Ceci sont donc les conditions d'obligation de la zakat. La première, on a dit, qui est l'islam, elle n'est donc pas obligatoire pour le mécréant. La deuxième est la liberté, elle n'est donc pas obligatoire pour l'esclave. La troisième est la possession du nisab, du seuil minimum imposable, et on va voir les différents seuils dans les prochains cours, inshallah ta'ala. La quatrième est le fait de posséder ce seuil durant une année, et on a vu les deux exceptions à cela. Et comme vous le voyez à travers ces conditions, nous n'avons pas mentionné la raison et la puberté, qui sont des conditions que l'on retrouve pour l'obligation des autres adorations. Toutefois, la zakat, c'est une obligation sur l'argent. Elle est liée à l'argent, et non pas à la personne. À partir du moment où l'argent est présent, le seuil, le nisab est atteint. L'année est passée, alors la zakat est obligatoire. Même si ces biens appartiennent à un enfant, même si cet enfant est un nouveau-né, même si ces biens appartiennent à une personne qui a perdu la raison. Les personnes qui s'occupent de gérer l'argent de cet enfant ou de cette personne qui n'a pas la raison, ils se doivent de verser chaque année la zakat sur les biens qu'ils possèdent. Car la zakat est un devoir sur l'argent et la puberté. Et la raison ne sont pas des conditions de son obligation. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, va mentionner les biens sur lesquels la zakat est obligatoire. Et on verra cela, inshallah ta'ala, dans le cours de demain. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.